La population sud-coréenne admire les exploits immortels du président Kim Il-sung accomplis pour la réunification de la patrie. Kim Yoo-hak, membre de la Société du Soleil, un professeur d'université à Séoul et d'autres personnes, ont dit que la stèle à la signature autographe en 9 lettres le 7 juillet 1994 Kim Il-sung, érigée à Panmunjom, est empreinte de la grande histoire que l'on ne peut écrire avec des milliers de caractères et aussi des exploits brillants du président accomplis pour la réunification nationale. Ils ont souligné que le président Kim Il-sung, qui a consacré toute sa vie pour la nation coréenne, est le héros de la nation qu'elle a connue pour la première fois dans l'histoire 5 fois millénaire et le grand homme sans égal dans le monde.